Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la revue Parti pris, le Front de libération intellectuelle du Québec. On a là un phénomène extrêmement important, un groupe de jeunes littérateurs qui cherchent à effectuer une transformation de la société québécoise et en essayant de le faire, produisent un certain nombre d'œuvres d'un réel intérêt et d'une grande valeur. Le critique littéraire Robert Major à l'émission Des livres et des hommes en 1979, au moment où il vient de faire paraître son livre Parti pris, idéologie et littérature. Le titre de l'ouvrage de Robert Major est bien trouvé, car c'est vrai que si l'action de Parti pris est clairement idéologique, l'un des véhicules principaux de cette action-là reste en effet la littérature et les mots. Parti pris, qui n'a été publié que de l'automne 1963 à l'été 1968, a pourtant profondément marqué l'esprit de son temps en participant à sa manière à la marche de ce Québec bouillonnant des années 60. Mis à part quelques bêtises de jeunesse, dont celle, entre autres, d'avoir libéré le joual de son écurie pour le laisser courir à travers la province, la revue Parti pris a eu des initiatives heureuses, a obligé bien des gens à la remise en question et quoi encore. Au changement de la politique du groupe, il faut signaler son attitude envers les grèves et les grévistes, comme ça a été le cas à La Grenade. Pierre Vallière, de Parti pris, saute sur l'occasion qui lui est offerte pour exposer le nouvel engagement syndicaliste des gens de la revue. Monsieur Pierre Vallière, est-ce que appuyer des grévistes sur des lignes de piquetage entre dans les traditions de Parti pris? Ben, disons qu'on vient d'inaugurer une nouvelle forme d'action qui a pour but surtout de faire prendre conscience aux travailleurs des liens qui existent entre leurs revendications immédiates et les revendications d'ensemble de la nation québécoise, et aussi qui a pour but de montrer aux indépendantistes que les véritables problèmes des gens pour qui ils sont supposés se battre. Est-ce que pour vous c'était naturel chez Parti pris que ça vienne, cette action très concrète, très pratique? C'était inscrit vraiment dans les options de base de Parti pris. Extrait de l'émission Métro Magazine du 4 août 1965. Pour nous raconter l'aventure de Parti pris, je reçois Jonathan Livernois, qui est professeur d'histoire littéraire et intellectuelle à l'Université Laval à Québec. Jonathan Livernois, bonjour. Bonjour Jacques Beauchamp. De quelle manière, Jonathan Livernois, cette revue Parti pris a-t-elle marqué ce Québec des années 60? Bien, au fond, Parti pris, est aux années 60 ce qu'a été la revue Cité libre aux années 50. C'est un peu la suite logique. Il y a même des interactions entre les deux. Et ce qu'on constate, c'est qu'autant à Cité libre, on cherchait à identifier les problèmes du Canada français, autant les jeunes gens de Parti pris, eux, veulent régler les problèmes. Ils veulent s'attaquer aux problèmes. Oui. Et évidemment, on voit bien l'organisation autour de trois thèmes, la Sainte Trinité de Parti pris, laïcité, indépendance et socialisme. Donc, une nouvelle génération, des jeunes gens qui ont à peu près 20 ans, plus à gauche, en tout cas, que ceux de Cité libre. Et ils font une revue, vous bien le voir, de très grande qualité, qui fera damner les gens de Cité libre, parce qu'au fond, ils sont beaucoup plus réguliers et ont une revue de très grande qualité à 20 ans. Il faut le faire, il faut le noter, très ouais. Certainement. Parlons du contexte dans lequel naît Parti pris, naissance de cette revue en 1963. Où en est ce Québec de 1963, Jonathan Livernois? Eh bien, écoutez, c'est la Révolution tranquille, évidemment. On est en pleine Révolution tranquille. Les libéraux sont au pouvoir depuis 3 ans. C'est une période d'effervescence, très certainement. Mais tout va très vite, très, très vite. D'ailleurs, Jacques Ferron, l'écrivain, le médecin, dira de Parti pris, je le cite, qu'au fond, la revue a éclaté sans crier gare comme un été de Gaspésie, province où il n'y a pas de printemps. Effectivement, tout va vite. Pierre Maheu, qui est un des rédacteurs, un des animateurs de la revue, va dire dans le premier numéro, je le cite, « Le renversement de l'Union nationale, c'était l'affaire de nos pères. » Non la nôtre. Mais oublions pas qu'on est en 63. C'est 4 ans plus tôt, le décès de Maurice Duplessis. A l'impression que les générations se bousculent au portillon. Alors, les partipristes sont très sensibles à ce qui se passe, mais constatent assez rapidement que la Révolution tranquille a des airs de bourgeois. C'est une révolution bourgeoise, en quelque sorte. Oui. On renverse pas tout. C'est réformiste plutôt que révolutionnaire. Et eux vont vouloir donc construire quelque chose de beaucoup plus, disons, dynamique, beaucoup plus radical. Ils s'inspirent de différentes choses. Bon, d'abord, évidemment, c'est la grande période de la philosophie de la décolonisation. Franz Fanon, Albert Mimi et plusieurs autres. Il y a encore une présence de Sartre. Ça, c'est assez intéressant parce que la pensée de Sartre au Québec prend peut-être une quinzaine d'années à percoler. Mais le titre même, d'ailleurs, la revue Parti pris est tout à fait sartrien. Troisième influence qu'il faut bien noter, c'est l'influence marxiste, qui est, disons-le, très inégale. Hein, ça va surtout s'accentuer dans les dernières années et le marxisme est peut-être davantage un espèce de but à atteindre. D'ailleurs, comme le disait Robert Major, qu'on entendait au tout début de l'émission, hein, le lecteur fidèle de la revue, au fond, va faire son apprentissage du marxiste, en même temps que les collaborateurs. Donc, des jeunes gens qui sont très bien ancrés dans ce contexte. Donc, plus à gauche, plus dans l'action, puis on y reviendra, ouais, mais plus dans l'action que l'équipe de Cité Libre dans les années 50. Qui sont-ils, ces jeunes intellectuels de gauche qui décident de créer Parti pris en 63? Mais alors, vous le dites bien, intellectuels. C'est-à-dire qu'ils se réclament comme des intellectuels, et ça, c'est quand même assez nouveau. Hein, pour eux, ils ont quoi, 20, 22 ans, ce sont des jeunes étudiants, et pourtant, ils se réclament, ils se disent des intellectuels. Alors, quelques noms, évidemment, parce que ces gens-là vont se retrouver plus tard sur la scène intellectuelle, bien sûr, vont continuer, hein, seront présents sur la scène intellectuelle. On pense à André Brochu et Pierre Maheu, qui sont des étudiants à l'époque en lettres à l'Université de Montréal. Paul Chamberlain et Jean-Marc Piot, qui sont aussi des étudiants de l'Université de Montréal, mais à la faculté de philosophie. André Major, lui, c'est différent. Il fait des petits boulots, travaille notamment chez Dupuis Frères. Aura une carrière assez étonnante. D'autant qu'il deviendra, on le connaît comme écrivain. Hein, il est devenu un écrivain assez célèbre du Québec dès les années 60. J'insiste sur un dernier personnage que j'aime bien, c'est Pierre Maheu, qu'on a beaucoup oublié, peut-être parce qu'il est décédé très tôt, hein, en 1979. Mais il a eu une carrière vraiment rocambolesque, c'est-à-dire qu'il est devenu producteur à l'ONF, ensuite a fait de la publicité pour le Parti québécois. Donc, on voit qu'il y a un autre parcours complètement différent. Mais n'empêche, de manière générale, on est devant de jeunes étudiants devenus des universitaires avec des idées très précises à gauche. Alors, revenons-y plus précisément sur ces idées de gauche, sur la vision, en fait, parce qu'elle s'exprime aussi très clairement, cette vision de l'équipe de Parti pris. Comment résumer, je dirais, le projet Parti pris, ouais. Jonathan Livernois? Ben, je le disais tantôt à la Sainte Trinité, un peu la blague, laïcité, socialisme et indépendantisme. Pour eux, ce sont les trois choses les plus importantes. Ils se réclament, hein, ils veulent atteindre cet objectif dès le premier numéro. Les deux premiers sont peut-être plus importants. La question laïque va être présente ça et là dans les revues, mais ce n'est pas le plus important, d'autant qu'il y a d'autres mouvements. On sait notamment qu'il y a le mouvement laïque de langue française dès le début des années 60 qui va évidemment aller en sens, qui va travailler très fort pour qu'on approche d'une certaine laïcité. Par contre, les deux autres, le socialisme et l'indépendantisme, se taillent la part du lion, en quelque sorte, dans les revues. Les premières années, l'indépendantisme, on dirait en tout cas qu'elle a la préséance sur le socialisme. C'est-à-dire qu'au fond, avant d'établir un régime socialiste, il faudrait établir l'indépendance du Québec. Oui. Alors, évidemment, c'est un problème qu'on va retrouver tout au long de l'histoire de l'indépendantisme québécois jusqu'à aujourd'hui. Mais, je donne une citation, Paul Chamberlain, donc l'un des animateurs de la revue, le dit bien, « La libération nationale, entre autres tâches, vise à libérer la vie quotidienne de l'homme d'ici, des contradictions relatives au régime colonial. » Donc, vous voyez, le national avant le colonial, donc l'idée d'une indépendance qui va servir à l'avènement d'un certain socialisme. Et même, c'est assez étonnant, on l'oublie, mais dans la revue, on pense qu'on peut être les alliés de la bourgeoisie qui est justement aux commandes de l'État québécois pour établir l'indépendantisme et après, peut-être, hein, effectivement, voir le socialisme. Donc, une sorte d'étapisme, on peut le dire comme ça, tout simplement. Bon, évidemment, cette Sainte Trinité, la préséance de l'indépendantisme sur le socialisme, ça va tenir un temps et on devine bien que ça aura des répercussions sur la vie de la revue. La vie et la survie, ça aura carrément raison, oui. Puis on y reviendra dans quelques minutes, mais de Parti pris, de la revue Parti pris. Je titrerai cette émission, Jonathan Livernois, la revue Parti pris, le front de libération intellectuelle du Québec. J'invente rien. L'équipe de Parti pris elle-même se définissait comme ça. Quel lien existe, en fait, entre Parti pris et le FLQ? On en parle dans un instant, mais on écoute d'abord à ce sujet Pierre Maheu répondre aux questions de René Larochelle à l'émission Partage du jour en 1963. André Major, Pierre Maheu, est-ce que la revue Parti pris et tous ceux qui en font partie se considèrent comme des frères, des jeunes gens du FLQ? Oui, ces gens-là ont le même âge que nous. Ils ont passé par les mêmes expériences que nous, par les mêmes souffrances que nous, par les mêmes aliénations que nous. Leur réaction devant la situation a été violente, paroxystique, plutôt tragique. Hein? La nôtre, peut-être, serait plus mesurée. Plus intellectuels, nous écrirons des articles alors qu'eux ont lancé des bombes, mais nous croyons témoigner de la même situation et témoigner des mêmes sentiments qui animent à peu près toute la jeunesse du Québec. Ouais, on a tenté de cacher le fait que la réaction des gens du FLQ était un phénomène politique. On a tenté de parler de leurs problèmes psychologiques, et ainsi de suite. Mais il faut dire, il faut affirmer que ces gens-là, que nous le voulions ou non, nous ressemblent et sont nos frères, même malgré nous. Alors, que dire de ce lien de parenté entre parti pris et le FLQ, Jonathan Livernois? Ben, c'est très intéressant. On voit d'ailleurs que l'entretien date de 1963. On n'est évidemment pas encore à la crise d'octobre. On n'est pas encore non plus aux grandes bombes des années 66-68. On pose des bombes à 3 heures du matin à Westmount. Bon, évidemment, dans les boîtes postales. Je ne banalise pas du tout la chose, mais il y a encore une espèce de mystique, hein, de la violence, une espèce d'image très romantique de la Révolution. Et même, on le voit quand même, ils sont mesurés. Puis Maheu, Major, ils sont présents, connaissent ces gens-là, en tout cas indirectement, mais ils ne s'assimilent pas à leur façon de faire. Pour eux, hein, ils considèrent que l'écriture est peut-être davantage importante, ou en tout cas, pas davantage importante, mais c'est leur façon de faire, pour eux. Ce ne sont pas donc les mêmes acteurs, bien qu'il y aura, on pense à Pierre Vallière notamment, qui sera présent notamment par certains clubs politiques, on en reparlera, mais ce n'est pas la même chose. Donc, je pense qu'il faut bien distinguer ce Front intellectuel du Québec, de libération intellectuelle, et le Front de libération qu'on a connu et qui a évidemment mené à la crise d'octobre en 1970. Ouais. On parle un peu plus tôt dans l'émission, on comparait en fait d'entrée de jeu Parti pris, les années 60, Cité libre, les années 50, puis vous le disiez, la différence, une des différences, c'est que Parti pris est beaucoup plus à gauche, mais beaucoup plus dans l'action aussi. Il y aura une maison d'édition, on en parlera dans un instant, qui sera créée à Parti pris, mais il y a aussi, et là on entre vraiment dans l'action, le club Parti pris qui va être créé. Oui, c'est tout à fait juste. Donc, effectivement, Cité libre va vouloir créer des liens avec d'anciens... À l'époque, c'est les gécistes, hein, les jeunesses étudiantes catholiques. On veut se retrouver, mais ça n'a pas, évidemment, la forme du club Parti pris, et là, qui est vraiment une volonté de former des militants. Ce groupe-là, le club Parti pris, va être fusionné avec d'autres petits groupes de gauche, et ça va mener en 1965 à ce qu'on appelle le MLP, donc le Mouvement de libération populaire, où là, on trouve justement les felkistes, Pierre Vallière et Charles Gagnon. Alors là, on veut former des militants, on vise la création d'un grand parti socialiste, on veut vraiment... D'ailleurs, il y aura une fusion avec le petit Parti socialiste du Québec. Il y a toute une perspective, donc, presque pédagogique là-dedans. C'est l'importance de l'éducation. Faut pas l'oublier, hein, c'est les années 60, il y a le rapport parent. Bien, c'est la même chose pour les révolutionnaires en devenir. Pour eux, ça passe par l'éducation, ouais. Notamment l'enseignement de la décolonisation. Les partis pris sont des intellectuels, mais... Ils veulent aussi agir sur le terrain. Bon, le MLP ne durera pas très longtemps, on s'en doute bien. Il n'y aura pas de grand parti de gauche ici, mais ça marque quand même les esprits à l'époque. Et puis, il y a cette maison d'édition qui fait partie aussi du positionnement, de l'action, j'allais dire, de l'action de Parti pris, parce que, puis on revient au tout début de l'émission, la parole, Parti pris pose pas de bombe. Ils agissent avec la parole en décidant de publier tel ou tel auteur. Ça va ressembler à quoi, cette maison d'édition-là? Qu'est-ce que va publier la maison d'édition Parti pris? D'ailleurs, c'est peut-être la chose la plus pérenne de l'expérience Parti pris, parce que la maison d'édition va être fondée en 1964 et va disparaître en 1984. Hein? Ça dure très longtemps. Au départ, les éditions Parti pris veulent distribuer du matériel de base, donc des témoignages, de la formation, du matériel vraiment du petit révolutionnaire. Là, notamment, on aura le journal de Che Guevara en Bolivie, par exemple. Mais sous la houlette de Gérald Godin, qui prend le contrôle à partir de 1965, la direction des éditions, ben là, on élargit singulièrement l'empan. Autrement dit, on va retrouver des textes, des monologues de Clémence Desrochers, comme je disais, le Che, toutes sortes de choses. Donc, on vise beaucoup plus large. Et c'est probablement ce qui va expliquer la grande vie, finalement, des éditions Parti pris. Cette maison d'édition va s'ouvrir à toutes sortes de choses. Le grand succès, évidemment, c'est le livre de 68 de Pierre Vallière. Donc, on connaît le titre, mais je donnerai le sous-titre. C'est donc cette autobiographie précoce d'un terroriste québécois. C'est un livre qui va avoir des répercussions immenses, notamment aux États-Unis. Hein. On le sait, d'ailleurs, la version anglaise, anglophone, ne sera pas censurée, contrairement d'ailleurs à la version française, francophone. Donc, c'est vraiment une maison d'édition qui prend sa place dans les années 60-70 et qui existe jusqu'en 1984. Donc, notamment notamment sous la direction de Gérald Godin, qui sera plus tard, évidemment, député. Ouais. Parlons de la langue de Parti pris, parce que l'une des particularités de Parti pris, c'est l'usage du joual, autant dans les ouvrages que va publier la maison d'édition que dans les articles qu'on va retrouver dans la revue Parti pris. On écoute le critique littéraire et professeur de lettres Robert Major répondre aux questions d'Andréane Lafont à ce sujet à l'émission La vie quotidienne en 1980. Vous avez dit, vous, Robert Major, Parti pris est à l'origine du phénomène joual et aussi d'une littérature de misérabilisme. Est-ce que c'était vraiment le but de Parti pris? Non, non. Bon. On a dit beaucoup de choses du joual depuis ce temps-là. Quand je dis qu'ils sont à l'origine du phénomène joual, évidemment, la langue populaire existait déjà dans les romans, qu'on prenne les romans régionalistes, les romans du terroir, ça existait déjà, ça, le joual. Maintenant, ce qu'il y a de particulier avec le mouvement Parti pris, c'est qu'ils en ont fait une arme politique. Écrire joual en littérature, c'était l'équivalent des athlètes noirs, disons, qui dressent le poing en recevant un prix olympique. C'était vraiment une tentative très, très consciente de scandale. On voulait faire scandale. Les partipristes se disaient, nous sommes des produits des collèges classiques, des universités. Nous, hein, nous pouvons bien écrire. Mais bien écrire, c'est masquer la réalité québécoise. Alors, le joual, c'était une façon de démystifier la réalité québécoise. C'est ça, la réalité québécoise. C'est des gens qui parlent comme ça. C'est des gens qui parlent comme ça parce qu'ils vivent d'une certaine façon. Alors, les gens de Parti pris étaient toutefois très conscients des limites du joual comme langue littéraire et comme langue... Enfin, ce n'est pas une langue non plus, c'est une espèce de patois. Mais ils sont vraiment à l'origine du mouvement. Il faut relire, disons, les comptes rendus qu'il y avait dans Le Devoir à l'époque, par exemple, ou dans la presse, face aux nouvelles de Jacques Renaud ou bien au roman d'André Major. André Major, surtout, qui faisait une utilisation très impertinente du joual, très narquoise... il voulait scandaliser. Bon, l'usage du joual répond donc, si je comprends bien ce que nous dit Robert Major dans cet extrait, davantage à une préoccupation idéologique qu'à une dimension purement esthétique pour l'équipe de Parti pris, Jonathan Livernois. Oui, c'est ça. Il le dit bien, Major. Au fond, le joual existe depuis très longtemps dans le roman. Il faut juste relire Le Survenant, d'ailleurs, pour voir les dialogues. Mais ici, c'est une arme politique. Donc, on s'en sert pour bien montrer jusqu'où est installée l'espèce de mal-être québécois. D'ailleurs, c'est ce que dit Chamberlain. Il faut aller au plus profond du mal-être québécois pour en remonter, en ressortir quelque chose. Cette langue, on peut s'en servir de différentes manières. Ça peut devenir un matériau poétique, notamment pour Gérald Godin et pour d'autres, pour André Major, pour Jacques Renaud. Mais Major a vraiment raison en insistant sur le fait que c'est pas quelque chose qui demeure. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est considéré comme temporaire. Le temps, justement, d'en finir avec l'aliénation québécoise, hein, d'aller au plus profond de ça, mais de remonter, finalement, et de pas rester là. Et quand il y aura du joual dans les années 70, d'un joual trop affecté, disons comme ça, ça va devenir anachronique, autrement dit. Alors, c'est un moment précis, mais c'est un moment important. Et effectivement, la langue devient cette arme politique chez les gens Parti pris. Petit mot pour rappeler aussi le grand impact qu'a eu la revue sur la littérature québécoise. Oui. Une seule chose, il y a ce fameux numéro en janvier 1965 de la revue dont le titre est « Pour une littérature québécoise ». Et ça, c'est très intéressant parce qu'on en fait le point de départ de la littérature québécoise. Donc, non plus canadienne-française, mais québécoise comme une revendication. C'est un numéro très important et, évidemment, ça donne le ton pour les romans de Régent Ducharme, du Béraquin. On est donc à ce point de départ et c'est dans les revues Parti pris que les choses démarrent en quelque sorte. Ouais. Et si la maison d'édition, vous nous le rappeliez il y a quelques minutes, va survivre jusqu'au milieu des années 80, la revue Parti pris, elle, meurt assez vite, en 1968, après seulement 5 ans d'existence. Le directeur de la revue à l'époque, Philippe Bernard, s'en explique au micro de Claude Pichet à l'émission Présent, le 16 octobre 1968. L'équipe de Parti pris a décidé de suspendre la parution de la revue Parti pris. Et la musique sirupeuse que vous entendez en arrière-fond vient du bar où j'ai rencontré le directeur de la revue Parti pris, M. Philippe Bernard. Quelles sont les raisons, M. Bernard, qui vous ont amené à cette décision? Disons qu'il y a des raisons au niveau de la rédaction. Ce qu'on s'est rendu compte, d'abord, que l'équipe elle-même n'était pas satisfaite des numéros qu'elle publiait, n'était pas satisfaite parce qu'il y avait certaines divergences au sein de l'équipe, et automatiquement, on produisait ou on écrivait des articles qui ne rencontraient pas l'unanimité. Et aussi, les lecteurs du moins les lecteurs les plus près de la revue, qui la lisent depuis plusieurs années et qui sont donc très sympathiques, pour ne pas dire collaborateurs, n'étaient pas non plus satisfaits de la revue. Alors, ce sont les deux principales raisons. Mais est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait une unanimité ou unité de vue dans une équipe de rédaction d'une telle revue? C'est-à-dire que quand je dis unanimité, c'est plutôt, disons, idéologie commune. On peut parler de, on l'a déjà dit d'ailleurs, de pluralité de lignes, mais sans tomber dans le pluralisme idéologique. Et cette pluralité, on l'a toujours rencontrée. Depuis 5 ans, Parti pris a toujours eu une pluralité de points de vue et d'approches, et c'était très net. Mais depuis un an, surtout, c'est vraiment un pluralisme idéologique, et même au niveau stratégique aussi, chacun ne croyant pas, ne voyant pas l'action de la revue dans le même sens. Que dire de cette mort prématurée de Parti pris à l'automne 68? Qu'est-ce que cachent ces dissensions dont parle Philippe Bernard dans l'extrait qu'on vient d'entendre? Évidemment, la donne, hein, ce qui a changé, c'est la situation de l'indépendantisme québécois. René Lévesque est entré en scène. Après fusion de son parti MSA avec le RN, le Ralliement national, il fonde le Parti québécois. Et là, c'est pas un parti qui est révolutionnaire, c'est un parti de gauche, social-démocratie. Mais, encore une fois, c'est l'indépendance avant le socialisme. Oui. Évidemment, on le voit au début de la revue, il y a des gens qui sont tout à fait d'accord avec ça. Notamment, Piot et Maheu vont prendre cette direction. Mais il y en a d'autres qui refusent cette façon de faire et qui veulent que le socialisme ait préséance sur l'indépendantisme. Notamment des gens comme Gilles Bourque, qui est un futur professeur de l'UQAM, qui lui, d'ailleurs, et plusieurs autres vont emprunter une voie beaucoup plus orthodoxe, beaucoup plus marxiste à la fin. Donc, la revue devient très marxiste, liée à la lutte des classes. Autrement dit, si on veut faire un parallèle avec aujourd'hui, il y a une espèce d'opposition entre le Parti québécois et Québec solidaire. Ouais. C'est à peu près la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il y a préséance sur... Hein? Bon. Les dissensions vont apparaître dans la revue et ce qui est assez fascinant, c'est que le dernier numéro, en 68, ben, c'est un débat sur les futures orientations... sur les orientations, pardon, de la revue. Alors, c'est un véritable baroud d'honneur, pour ainsi dire, puisque la revue va mourir au même moment. Et même si elle existe très peu de temps, cette revue, on le disait au tout début de l'émission, elle sera marquante, en tout cas pour une génération, cette génération qui grandit, entre guillemets, avec la revue dans les années 60. Est-ce qu'il y a des héritiers qu'on peut directement identifier, associer au discours parti pris? Des héritiers directs, il n'y en aura pas énormément. Bon, évidemment, des gens comme Pierre Falardeau, hein, qui vont prolonger les constats de parti pris, très certainement, notamment à travers des films comme Le Temps des bouffons. Hein. On sait bien que, pour Falardeau, les thèmes de décolonisation, de colonisation, sont directement empruntés de revues comme parti pris. Peut-être, par contre, peut-être pas plus intéressant, mais plus profondément, c'est toute la réflexion actuelle. Je pense notamment à la pensée d'Ali Giroux, d'Alain Deneau. Oui. Donc, ces gens-là réfléchissent et, au fond, partent de questions qui ont déjà été débattues dans Parti pris, évidemment, selon des modalités tout à fait différentes. Mais quand même, on voit bien que cette question coloniale, la question de la dépossession aussi, demeure au cœur de beaucoup de réflexions québécoises actuelles. J'en suis convaincu, en tout cas. Jonathan Livernois, professeur d'histoire littéraire et intellectuelle à l'Université Laval, c'est toujours un bonheur de vous avoir à l'émission. Merci beaucoup, Jonathan. Merci, Jacques Beauchamp. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.